Metal Express avec Eric. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver donc comme chaque lundi de 19h à 21h, c'est le Metal Express, j'espère que vous êtes bien calés dans votre fauteuil. Ce soir encore, il va y avoir une belle petite playlist. Je vous rappelle que vous nous écoutez sur Radio Heavy Metal, que nous avons des partenariats radio, il y a Radio Fréquence Zik 1, les Spirits et Canal Fuzz Radio. Radio Heavy Metal a également sa page Facebook. Vous pouvez aller jeter un œil. Et puis nous avons également la page Facebook du Metal Express. Si vous avez envie de me laisser un message, vous n'hésitez pas. Donc ça y est, on est parti pour 2 heures de métal, comme chaque lundi. Donc on va commencer très fort avec Napalm Death, ce morceau s'appelle Losers, suivi de Blood of the Wolf avec Thunder of Dreams of War. Et juste derrière, il y aura Judas Priest avec Lightning Strike. Allez, c'est parti pour 2 heures. Victory is facing the injured, the loser is above. Voilà, c'était les Britanniques Judas Priest, donc avec Lightning Strike. Et puis, juste avant, on a eu... j'ai perdu ma feuille. Juste avant, on a eu Napalm Death avec Losers, également des Britanniques. Et puis, il y a eu avant Blood of the War avec le morceau Sender, The Dreams of War. Allez, maintenant, on va attaquer avec un groupe black metal. Ça s'appelle Master Hammer avec Psychoparasite, suivi de Burning Dead avec le morceau Eternal War. Bonne écoute! Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Ils sont français, donc cette EP s'appelle Take Coming, le groupe Burning Dead. C'est excellent, c'est sorti le 23 mars 2018. Allez, voici maintenant Primordial avec Last Call, suivi de Godless Entropia avec Palace of Fornication. Allez, bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. We'll be right back. lines on our faces grow deeper. So step up to the gallows and hang. Voilà donc Godless Entropia avec le morceau Palace of Fornication. Et puis juste avant, on a eu Primordial, groupe de black et de pagan metal. Ils sont irlandais, pardon. Et on a écouté le morceau Last Call, extrait de leur album, leur nouvel album d'ailleurs, To Hell of the Hagman. Allez, maintenant on va attaquer avec le nouvel album donc de Dee Snider. Le morceau qu'on va écouter s'appelle I'm Ready. L'album s'appelle For the Love of Metal. Et puis juste derrière, on aura Moustache avec Winners. Bonne écoute dans le Metal Express. C'est Eric avec vous donc jusqu'à 21h. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. We're back to Tlema. Donc le groupe Moustache avec Winners. Allez, maintenant on va passer avec des Brésiliennes, elles s'appellent Nervosa. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Kill the Silence, suivi de Riot V avec le morceau Sound of Spell, donc une version 2018. Allez, on s'écoute ça. Filtered Voilà, donc c'était Riot V, anciennement Riot, et ce morceau donc s'intitulait Thunder Steel, donc c'est une version 2018. Et puis juste avant, donc on a eu nos brésiliennes de Nervosa avec Kill the Silence, extrait de leur troisième album Sandalfall of a Moon King, qui est sorti le 1er juin 2018, troisième album de thrash metal excellent. Donc allez, voici maintenant Deliverance avec le morceau Epilogue, suivi de Defecal of Gerb avec le morceau Camembert. Allez, bonne écoute, Camembert nécrophile. Allez, bonne écoute. I created my crucifixion, felt the asphyxiation, circled my own stage, incited the crowd's rage, called out on my own crimes, defenses sublime, I struck the Yeah! Voilà, donc c'était Defecal of Gerbe avec Camembert Nécrophile. On aime, on n'aime pas, moi je ne dis rien. Allez, voici maintenant un groupe qui s'appelle Fog Light. Et puis le morceau donc s'appelle Aika, suivi de Red Eleven avec Back in the Time. Bonne écoute! Le groupe s'appelle le Red Eleven et le morceau qu'on vient d'écouter, Back in Time. Allez, maintenant, on va écouter un groupe fécampois, donc, ce sont des amis à moi, le groupe Agiro, donc, extrait de leur EP qu'ils ont sorti le 18 mai 2018, donc, le morceau qu'on va écouter porte le nom de ce EP, ça s'appelle Dance Witch Mash Shadow, bonne écoute. Song, I dance along. Now you're Fondé en 1999, le groupe Agiro sort de l'ombre en mai 2018 avec son troisième album. Un EP, 4 titres intitulé Dance, Witch, Mass, Shadow. Il s'agit de l'album de la transition. En effet, en 2018, le chanteur Nelson Zeppili, qui officiait sur les deux premiers albums, a décidé de voguer vers d'autres horizons. C'est donc sous la forme d'un trio que Grégory le prête au micro que le groupe a enregistré cette nouvelle production. Allez, voici maintenant un autre groupe normand, il s'appelle Ardelix et le morceau qu'on va écouter s'appelle le Morbid Addiction. Sans intention, plus de temps. Voilà, donc c'était le groupe Ardelix avec Morbid Addiction. Ils ont une page Facebook, vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil et puis n'hésitez pas, il y a pas mal de petites choses, notamment t-shirts et puis il y a également les CD si vous avez envie de les commander, n'hésitez pas à les contacter, tout comme Agiro. Allez, voici maintenant Anvil, et puis ça s'appelle Beach in the Box, suivi de Saxon avec Thunderbolt. Bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Stupid machine. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Voilà donc, c'était Saxon avec Thunderbolt et juste avant on a eu Anvil. Et puis maintenant nous allons attaquer avec un groupe qui s'appelle Big Hate avec Hybrid suivi de Equinox, groupe français. Et ce morceau s'intitule The Cry of Gaia. Allez, bonne écoute! Oh! Voilà, donc c'était Equinox avec le morceau The Cry of Gaia. Equinox, c'est un groupe français donc fondé en 2013 et originaire de Paris. Le titre qu'on a écouté porte le nom de l'album, The Cry of Gaia, en influence métal, accent symphonique et progressive. Allez, voici maintenant, on va écouter un groupe allemand au nom de Refuge. Refuge formé par trois anciens musiciens de Rage. Et le morceau qu'on va écouter s'appelle Bleeding From Inside, suivi de Fuck Ship Up avec Let's Lose Control. Bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Devastating power, greedy ask me to count now. Don't ever ask me to change, because I am what I am. Because I know that you know that we know that you're right. Don't let get old. Let us get old. Don't let it try to count us down. Voilà, donc c'est un mélange de rock alternative, groovy, metal, fusion, punk. Le groupe s'appelle Fuck Shit Up avec le morceau Let's Lose Control. C'est chez Killbrass Records. Vous pouvez aller sur leur page Facebook et puis vous pouvez voir tout ça. Ils sont influencés par des groupes comme Rage Against the Machine, Pantera, System of a Down, etc. Allez, voici maintenant Bruce Dickinson, ça s'appelle Road to Hell, ça a été remasterisé en 2001, suivi de Varsovie avec le morceau Coups et Blessures. Bonne écoute dans le Metal Express, c'est Eric avec vous donc jusqu'à 21h.

était à la limite. Laisser faire le contact, ne plus avoir à fuir. S'enfoncer dans les terres, s'en tenir au registre. Le groupe s'appelle Varsovie, coups et blessures, donc groupe français fondé en 2005, un trio de dark rock originaire de Grenoble. Donc allez, maintenant voici Powerwolf, ce sont des Allemands, c'est un mélange de power metal, ça va être excellent, c'est leur nouvel album, ça s'appelle Venom of Venus, bonne écoute. Voilà, il est l'heure de nous quitter, donc 2 heures, ça passe très vite même. Je vous rappelle donc Radio Heavy Metal, donc c'est... Vous pouvez nous écouter sur Radio Heavy Metal, je sais pas ce que je dis là. Donc nous avons des partenariats comme vous le savez, et ils rediffuseront donc cette émission, c'est-à-dire... Alors pour Fréquence X, c'est mercredi de 22h à minuit, et également dimanche de 21h à 23h. Et puis il y aura demain donc Canal Fuzz Radio qui rediffusera l'émission à partir de 20h jusqu'à 22h. N'oubliez pas que nous avons notre page Facebook. Vous tapez Radio Heavy Metal et vous nous trouvez. Il y a également la page Facebook du Metal Express. Demain matin, donc, le podcast de l'émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, 19h, 21h. Je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, ciao!